Les Temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Paul Couturiau qui vient nous parler de son roman « Ce feu qui me dévore » qui vient tout juste de sortir et qui est publié aux presses de la Cité. Bonjour Paul. Bonjour Mona. Alors quel est le sentiment qui prédomine quand son dernier ouvrage vient de paraître? C'est toujours un peu un moment fort parce que c'est chaque fois un nouveau bébé qui sort et qui va se retrouver lancé dans le monde et on ne sait jamais comment il va être accueilli. Ben oui, bien sûr. Mais c'est quoi? Il y a une peur ou il y a une satisfaction d'avoir déjà terminé Il y a déjà une satisfaction d'être allé au bout d'un projet qui me tenait à cœur. Mmh. Et puis oui, la crainte aussi de la réception du public. C'est certain, ça c'est inévitable. Ben et puis des journalistes. Oh, ils sont charmants, en général. Alors parle-nous de Ce feu qui me dévore. Alors, Ce feu qui me dévore est un roman très particulier pour moi parce que je m'étais rendu compte à travers les silences de Margaret et déjà en passant par la Lorraine que j'en venais à parler un petit peu de mon histoire personnelle à travers plutôt l'histoire de ma grand-mère, de ma mère, et je voyais que en définitive ça se rapprochait de moi, donc je me suis dit c'est qu'il y a un besoin de parler de certains épisodes de ma vie. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce roman. C'est le plus autobiographique, on dira, parce que c'est vrai qu'il y a une partie fiction qui est importante, mais qui est la base pour aborder une partie beaucoup plus personnelle. Et donc, le personnage principal qui s'appelle Bernard raconte à un moment son histoire, son enfance, et on peut dire que tous les souvenirs qu'il évoque sont les miens. Alors Bernard, le héros, est un enfant mal aimé, voire maltraité. On peut dire ça. Mmh. Alors la mère Béatrice est une femme qui a fait un beau mariage, un peu au-dessus de sa condition. C'est une des raisons qui a fait qu'elle voulait un enfant parfait. Ça ne correspond, sur ce plan-là, c'est la partie fiction, parce que ma famille était une famille très, très humble, n'était pas du tout des gens aisés, donc on est dans la partie fiction. Mais je ne sais pas ce qui a poussé ma mère à vouloir un fils qui soit la perfection pour elle, mais rien n'était jamais assez bon, même quand... sur le plan scolaire, j'avais d'excellents résultats, c'était pas encore assez. Je pense que peut-être elle voulait vivre à travers moi la vie qu'elle aurait aimé avoir. Elle aurait aimé faire des études, elle n'a pas eu la possibilité de le faire. Elle aurait aimé une reconnaissance qu'elle n'a pas eue non plus, je pense. Donc, elle a essayé de vivre peut-être à travers moi cette enfance, enfin cette vie qu'elle n'a pas eue elle-même. Alors, elle avait mis la barre tellement haut qu'il était impossible de la satisfaire, en fait. Quoi qu'il fasse, le pauvre petit Bernard ne trouvait jamais grâce à ses yeux. Alors, il a tout juste... ça doit être éprouvant, de grandir dans ces conditions. Comment ne pas se replier sur soi? Comment se construire, en fait? Mais justement, la seule manière pour moi de me construire était de me replier sur moi. Et donc j'ai découvert très vite qu'il y avait des amis merveilleux qui s'appelaient les livres. Je n'en avais jamais assez. Et comme mes parents n'étaient pas très riches, je l'ai dit, il n'était pas possible de satisfaire ma boulimie de lecture. Donc au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que il y avait moyen de lire sans livre, à savoir que je prenais un épisode d'un livre que j'avais lu ou d'une série que j'avais vue à la télévision. Il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque, et j'inventais une suite ou des événements parallèles. À un moment, l'histoire prenait un cours différent et je me mettais à imaginer les personnages du roman ou de la série en train de vivre des épisodes de mon imagination. Et j'étais quelque part inspiré sans doute par mon grand-père qui lui était un être absolument merveilleux. Oui, on en parlera plus tard. Et qui lui me racontait beaucoup d'histoires. Ouais. Donc ça, je pense que ça a ouvert un peu mon imagination et mon rapport justement à la création. Alors nous revenons après ça. Alors, nous sommes toujours avec Paul Couturiot. Alors, ce morceau que tu as choisi a une résonance particulière pour toi? Oui, ça a été un des génériques de l'émission Campus qui était présenté par Michel Lancelot tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir des années de 68, je crois, jusqu'à 71. Et cette émission sur Europe 1 a vraiment été pour moi une espèce d'ouverture sur le monde. Parce que, oui, j'ai dit que je lisais énormément, mais mes parents avaient une vision très particulière de la culture, à savoir que Brassens, pour eux, c'était vulgaire, que Brel, c'était vulgaire. Enfin, tout ce qui exprimait des idées, je pense, leur paraissait vulgaire. Donc tout ça, c'était interdit chez moi, ça n'avait pas le droit de citer. Et puis un jour, un ami me dit « Tiens, il y a une nouvelle émission sur Europe 1 le soir à 20h, tu devrais écouter. » Et j'ai pris le train en marche. Je crois que j'ai dû rater les deux premières émissions, sans doute. Et puis après, je n'ai pas dû en rater beaucoup parce que tous les soirs, j'étais branché sur Europe 1. Michel Lancelot m'a fait découvrir déjà l'œuvre de Brassens, qui était un de ses invités fréquents, donc c'était assez amusant. Mais aussi toute la Beat Generation, le rock. Je me souviens d'un concert des Who de Tommy enregistré en direct à l'Olympia, si je me souviens bien. Il y avait aussi Radio Psychose, c'était un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus, qui venait analyser les textes de chanteurs, auteurs, compositeurs, en présence des auteurs, compositeurs. Donc, moi, j'étais passionné par la psychologie. Là aussi, j'accrochais énormément. C'est là que j'ai découvert l'univers de Boris Vian, la musique classique. Enfin, ça a vraiment été une ouverture au monde et à la culture, et surtout à la contre-culture. Oui. Alors, le père de Bernard a aussi une énorme responsabilité dans ce qui arrive à l'enfant. Pourquoi cet homme plutôt bon vivant et qui réussit dans la vie professionnelle est-il si démuni devant sa femme ? N'est-il pas un peu lâche ? C'est une très bonne question, parce que... En fait, c'est toujours la mère de Bernard, dans la réalité ma mère, qui provoquait la violence du père. Et un jour... Alors là, on quitte le roman pour passer dans la biographie. Un jour, je devais approcher de la quarantaine quand je leur ai fait une remarque assez verte sur la manière dont il m'avait élevé. Ma mère a nié en disant « Mais où vas-tu chercher ça? Tu inventes. » Et pour la première fois, j'ai entendu mon père lui hausser le ton sur sa femme et lui dire « Maintenant, ça suffit, tu te tais. » Et il a reconnu les choses. Non seulement il les a reconnues, mais il me disait qu'il ne se passait pas un jour sans qu'il n'y repense et qu'il se pose la question de savoir comment il avait pu me traiter ainsi. Et pour moi, ça a été vraiment l'ouverture vers la résilience. Ça m'a permis de surmonter cette douleur qui m'avait accompagné toute ma vie. Aujourd'hui, d'en parler sans plus éprouver d'aucune rancœur, aucune rancune. Voilà, donc c'était aussi... C'est pour ça que je ne me cache pas derrière ce roman. Il y a une fiction, mais c'est mon enfant. C'est pas pour faire du Dickens que je le reconnais et que je la revendique. C'est simplement parce qu'il m'a paru intéressant de montrer qu'on pouvait avoir été un enfant maltraité au point d'être vraiment étouffé au sens propre et au sens figuré. Et s'en sortir, que la résilience était possible, pour employer un terme cher à Cyril Nick. Alors, est-ce que la réalité aurait été différente si les parents de Bernard s'étaient chacun mariés avec une autre personne ? Est-ce que c'est la fusion de ces deux personnalités qui ont engendré ce couple un peu infernal ? Mais je suis vraiment convaincu que si mon père avait eu une épouse autre, il aurait été complètement différent. Parce que dès qu'on était chez mes grands-parents, donc j'ai grandi à Bruxelles avec mes parents, on venait passer les vacances à Metz, au Sablon, chez mes grands-parents. Et là, mon père n'était plus en quelque sorte sous la coupe de sa mère, parce que ma mère, quand elle était en présence de la sienne, ma grand-mère, donc, elle devenait une petite fille, elle perdait tous ses moyens. Et là, mon père devenait quelqu'un de très jovial, jamais n'a levé la main sur moi en présence de mes grands-parents. Et je pense pas que c'était uniquement pour par l'acheter. Je pense que simplement, là, il avait plus cette pression et il pouvait être lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui était très plein de bonne humeur, plein de joie de vivre et qui était en plus quelqu'un de très, très émotif. Dès qu'il avait les siens autour de lui, c'était un homme qui était heureux. Donc je pense effectivement qu'avec une autre femme, il aurait pu être un père très, très, très, très positif. Mais elle aussi, il y a des fois, on peut se demander si elle était tombée sur un mari un petit peu plus autoritaire, on va dire. Peut-être que s'il ne l'avait pas laissé faire. Eh bien, là, je n'en suis pas persuadé. Ah non ? Non, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a sans doute vécu des traumatismes dans son enfance, mais j'ai toujours considéré, enfin je considère depuis longtemps, que c'est pas parce qu'on a souffert des traumatismes qu'on doit en imposer et en faire souffrir d'autres personnes. Ça fait partie du chemin que chaque individu a à faire pour essayer de grandir et de s'améliorer. Enfin, ça c'est ma philosophie, je crois qu'il faut toujours tendre vers le meilleur. Et elle... C'est une femme qui avait une philosophie très, très claire, c'est les amis, c'est les ennuis. En fait, elle n'aimait personne. Dans le roman, Bernard n'a pas de sœur, il est enfant unique. Dans la réalité, j'ai une sœur qui n'était pas la fille de mon père, qui a été élevée par mes grands-parents. Non pas parce que mon père a refusé de l'élever. Mmh. Lui voulait la reconnaître, mais parce que ma mère a refusé d'élever sa fille. Elle voulait qu'elle soit élevée par ses parents, elle. Ce qui m'a pas toujours paru assez incompréhensible, mais bon. Et elle a toujours passé son temps à essayer de monter ma sœur contre moi, moi contre ma sœur, les uns contre les autres. On avait vraiment l'impression qu'elle se nourrissait des conflits qu'elle pouvait générer. Le bonheur des autres l'indisposait, en fait. Oui, je crois. D'accord. Je crois vraiment. Alors, heureusement pour Bernard et pour toi, il y avait le grand-père. Alors, peux-tu nous parler de lui un peu ? Alors, ce grand-père dans le roman est le chef des sapeurs-pompiers de Metz. Dans la réalité, c'était un homme de terrain qui partageait son temps entre la caserne des pompiers et les autres, puisqu'il était de garde 24 heures. Et après, quand il rentrait, il allait à la foire exposition de Metz où il était menuisier. Il a fait des chars, notamment pour la fête de la Mirabelle, qui ont remporté plusieurs prix, et j'ai retrouvé des photos de moi avec ma sœur sur certains de ses chars, d'ailleurs, c'est assez amusant. Et c'était vraiment un homme qui était, j'emploie l'expression, et je l'avais déjà employé délibérément dans Les Silences de Margaret, c'est vraiment un magicien qui peignait en bleu les ciels gris de mon enfance, et pas seulement de la mienne. Tant que j'étais petit, quand je passais mes vacances à Metz, et je passais toutes mes vacances à Metz, mon grand-père, le soir où il était présent à la maison, prenait sa chaise, allait la mettre devant la maison, et il y avait tous les enfants du quartier qui accouraient. Et il organisait les jeux pour les enfants. Bon, c'était un 2-3 soleils, c'était des jeux de ce genre, mais il était vraiment l'être fédérateur du quartier. Il était adoré de tous les enfants, et il avait construit dans son jardin, il y avait un grand jardin derrière chez lui. Ils occupaient le rez-de-chaussée, et normalement ce jardin, et il louait, bien sûr, il n'était pas propriétaire, était pour les locataires du rez-de-chaussée. Et lui, comme il y avait 4 logements, avait divisé en 4, il avait décidé que chaque locataire aurait sa parcelle de terrain, ce qui donne déjà une idée du personnage. Et sur sa parcelle, il avait construit une maisonnette en bois pour ma sœur, qui avait 6 ans de plus que moi. Et quand elle s'en est désintéressée, moi je l'ai investie, et c'est là que je passais des heures à rédiger mes premiers écrits. Comme Bernard, qui dans cette maisonnette écrit ses premiers romans, ses premières nouvelles. Ouais. Alors on va revenir justement à la fiction. Le livre commence en fait avec un drame. Tout à fait. La maison des parents de Bernard prend feu. Mmh. Il y a un incendie colossal qui détruit toute une partie de la maison. Et la mère décède dans l'incendie, et son père, lui, est très gravement blessé. Il en sortira dans un état assez dramatique, qui l'handicapera pour le reste de ses jours. Et Bernard n'est pas présent au moment de l'incendie. Il observe l'incendie, et comme il est toujours dans sa fiction, dans les histoires qu'il crée, il se dit c'est trop horrible. Il est choqué par ce qu'il voit, il se dit c'est pas possible. Donc il se dit c'est encore une de mes fictions, c'est encore une chose que j'ai créée. Et cette distance va lui être préjudiciable, parce que les gens vont se dire sa maison est en feu, ses parents sont en train de mourir, et lui, il a l'air indifférent. D'autant que une petite amie qui est en vacances chez ses grands-parents, qui vient régulièrement en vacances, Dari, va dire devant des policiers « Ah, c'est curieux, c'est comme dans ton roman ». parce que les pompiers viennent de découvrir qu'en fait l'incendie n'était pas du tout accidentel, mais volontaire. On a retrouvé des bidons d'essence, la porte de la chambre était fermée de l'extérieur, les tentures avaient été recouvertes d'essence et il y avait eu un accélérateur qui avait été utilisé. Et donc, cette phrase va être le déclencheur de toute une procédure, puisque les policiers vont se dire, ah bon, comme dans ton roman, donc ils vont saisir ces écrits. Et dans un de ces écrits, justement, il décrit une scène qui est à l'identique celle que ses parents ont vécue dans la réalité. Et plutôt que de dire qu'il est innocent, il va dire « je ne suis pas coupable, mais je suis responsable ». Oui, c'est ça. C'est cette phrase qui revient régulièrement. Alors qu'il a en fait tout juste 18 ans, donc ça démontre quand même une certaine maturité. Je crois que quand on a vécu des choses telles que ce que Bernard a pu vivre, quand on voit l'enfance qu'il a eue, qui va être raconté dans la dernière partie du roman, on a une certaine maturité qui est peut-être plus grande que celle des enfants qui ont une enfance heureuse, en tout cas, on peut le supposer. Oui, oui. Et il y a aussi le sentiment de culpabilité, c'est son éducation qui fait qu'il considère que tout, qu'il est coupable de tout, en fait. C'est vrai. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait d'être battu, d'être maltraité, d'avoir des parents qui vous disent que vous n'êtes jamais à la hauteur, que vous n'en faites jamais assez, qui en veulent toujours plus. Même si l'enfant sait que ses parents sont violents, il se dit que c'est lui qui est responsable. Mmh. Bien souvent, quand on est battu, quand on est maltraité, on se dit que on est soi-même responsable et on voudrait trouver le moyen d'être parfait pour justement ne plus mériter ces châtiments. Et c'est évidemment, il va de soi que c'est une erreur. Enfin, c'est jamais l'enfant qui est responsable de la manière dont ses parents le traitent. Oui, bien sûr. Et c'est aussi pour parce que je voulais faire passer ce message que j'ai écrit ce roman. C'est pas pour me défouler du tout, parce que c'est vraiment quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est totalement intégré et qui ne me fait plus souffrir. Mais je me suis dit que mon expérience pouvait peut-être aider des gens qui connaissent la même chose ou qui ont connu la même chose, à voir que la résilience était possible. Oui. Alors, tu profites aussi de ce récit pour fustiger un peu la société. Tu écris « Aujourd'hui encore, j'ai toujours les poils qui se hérissent quand j'entends faire l'éloge de l'amour maternel comme s'il s'agissait d'une qualité universellement partagée par l'ensemble des femmes. » Tu poursuis en écrivant que femmes et hommes ont été enfermés dans des schémas stéréotypés qui servent les intérêts d'une minorité. Tu peux préciser ta pensée ? Oui, je pense que vraiment c'est très bien tant que les gens restent dans des schémas. C'est Elisabeth Badinter qui, dans XY, avait déjà démontré que l'amour maternel était une invention du 19e siècle, si je me souviens bien, et qu'avant ça n'existait pas. Et on essaye de nous faire croire qu'une mère, à partir du moment où elle a mis au monde un enfant, l'aime. Non, c'est pas vrai. Je pense que l'amour maternel est quelque chose qui s'apprend avec le temps, et comme l'amour paternel, c'est la même chose. Mais je me souviens, je travaillais dans une maison d'édition, les éditions du Rocher, et un auteur qui était psychologue m'avait dit, mais quoi, vous vous occupez de l'éducation de votre fils, mais il n'a pas 7 ans, vous allez en faire un homosexuel parce que le père n'a pas à s'occuper de l'éducation de son fils avant ses 7 ans. Je crois qu'on n'a jamais publié en définitive ce monsieur. Et parce que ça me paraît aberrant, enfin, aussi bien le père que la mère. De toute façon, j'ai toujours considéré que les hommes ne sont pas de Mars et les femmes ne sont pas de Vénus. Les hommes sont de Mars avec un petit peu de Vénus et les femmes sont de Vénus avec un petit peu de Mars, et tant qu'on les mettra sur des planètes différentes, on ne pourra pas avoir des relations harmonieuses entre hommes et femmes. Il faut qu'on soit sur la même planète avec chacun nos particularités qui sont des richesses et qui peuvent justement amener l'homme et la femme à s'enrichir mutuellement et pas du tout à s'opposer. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a donc une grosse part d'autobiographie dans ce roman. Alors, c'est difficile de parler de soi ? À partir du moment où je l'ai écrit comme un roman, je me retranche moi-même quand je parle un peu de mon nom, de moi derrière la fiction. Ouais. Et puis ça a été un choix aussi. Mon éditrice m'a posé la question. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? On le présente comme un roman à l'état pur ou est-ce qu'on dit qu'il y a une part autobiographique ? Et c'est là que je me suis dit non, ce serait lâche quelque part de dire non, c'est une pure fiction et de présenter les choses comme une simple réflexion sur un problème de société. Non, je crois qu'il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même et dire j'ai voulu vraiment me raconter parce que je pense que ça peut aider certaines personnes, pas pour me défouler, pas pour régler des comptes. J'ai plus à régler des comptes. Mon père est malheureusement décédé et les dernières années de sa vie, dès l'instant où il a reconnu les faits, c'est devenu. On a eu une relation qui était vraiment une très belle relation parce que, comme je lui ai dit, j'en voudrais toujours à l'homme que tu as été. Et c'était faux d'ailleurs parce que même cette rancœur qui était encore là à l'époque, elle est passée. Mais j'admire l'homme qu'il était devenu parce que reconnaître qu'on s'est mal comporté et dire voilà tu pourras jamais me le pardonner parce que moi je me le pardonne jamais. Là il avait tort, il a suffi qu'il ait dit ça pour que je lui pardonne. Je trouve que ça demande énormément de courage et de se regarder en face et de voir les erreurs qu'on a commises et les accepter. Je trouve que c'est très beau. Ma mère ne l'a jamais fait. Aujourd'hui elle qui n'aimait pas les amis, elle doit être contente parce qu'elle a Alzheimer, donc elle peut oublier tout le... aussi bien le mal qu'elle a fait que les amis qu'elle n'aimait pas. Voilà. Je me suis toujours demandé si les gens qui étaient atteints d'Alzheimer n'étaient pas en train de fuir quelque chose. Ben, je serais assez tenté d'abonder dans ce sens parce que lors d'une visite avec ma sœur, elle nous a dit mais pourquoi je suis ici parce qu'elle est dans une maison où on lui donne des soins. Elle dit c'est quand même pour me punir parce que j'ai été méchante. Donc elle a tout de suite enchaîné en disant non, moi j'ai jamais été méchante, ce qui allait de soi. Mais sans doute que effectivement il y a des choses qui remontent à la conscience comme ça qu'on n'a pas envie de voir. Peut-être que c'est aussi un des éléments. Alors peut-être pas général, ce n'est peut-être pas que ça, mais ça doit jouer. Alors bon, il reste très très peu de temps. Tu vas aller à la rencontre de tes lecteurs, je suppose. Est-ce que tu as déjà des dates, des lieux ? Oui, j'ai des dates. Alors le 3 février, je serai à Thionville, à Thionville, à la librairie Isler, dans le centre Géric, de 14 à 18 heures. Et puis il y a aussi déjà une séance qui est prévue à la bibliothèque de Montois Flanville. Ça doit être encore confirmé, mais sans doute le 17 février. Donc il y a des dates qui sont. Et je serai, mais là c'est un peu plus tard, le 1er juin, tout près d'ici, dans les salons de Madame de Graffigny, Graffigny, oui. Voilà, au château de Villers-les-Nancy. Oui, c'est ça. Pour une rencontre dans le cadre des animations de la PAC. Ouais. Et puis tu seras certainement au livre sur la place au pas de septembre, je suppose. J'espère. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Alors merci à Paul Couturiot d'être venu nous parler de son roman « Ce feu qui me dévore » publié aux presses de la Cité. Au revoir à tous. Et à bientôt. Merci Mona.